2021, un esprit. Écoutez Radio 21, ce soir la rediffusion Fuse était consacrée à Psychogène. Merci de votre écoute, bonne fin de nuit, à la semaine prochaine. 21.